Qui que tu sois, surfeur, surfeuse, je te souhaite la bienvenue sur mon blog personnel, BlogNotes. Tu peux y laisser autant de commentaires que tu le désires. Et surtout, je n'ai qu'un mot à te dire. Amuse-toi bien et à la prochaine. Salut!